cet éparpillage. Quand on est de voyage, des amours qui dérapent, le voilà le carnage. Et j'ai suivi mon cœur, qui mérite des baffes, croyant que le bonheur peut se suivre à la trace. Mes rêves ont pris la fuite, je leur cours après, mais je courrai toujours si c'est courir d'amour. J'ai tout démoli pour faire de la place. Au fond de mon lit, y a du vent qui passe. Comme un vrai courant d'air, j'entrais pour ressortir, pour te filer la crève, et puis des fois bien pire. Mais j'ai fait des détours, comme des tours de magie, voyant mon petit jour se lever qu'à midi. Si j'ai tout démoli, c'est pour ne plus mentir, pour ne plus s'en faire, ne plus s'enfuir. J'ai tout démoli pour faire de la place. Au fond de mon lit, y a du vent qui passe. Des fois je pars si loin, je pars toujours pour toujours, et toujours je reviens, paraît que c'est ça l'amour. Si tu veux on repart, on rallonge le temps, et larguons les amarres, on trouvera bien du vent. Construit pour me faire une place. Au feu de ton lit, je suis le vent qui passe. Hey!